Comment on utilise nos jambes, c'est une insulte à la paraplégie. Je déteste cette ville, je crois que je vais repartir à Cergy. Tu sais très bien que je regarde pas les films où y a pas Jet Li. T'es hypochondriaque. Merde, je fais une allergie. Ils seront jamais contents tant qu'on fera pas du R&B. On a besoin d'eux, et on n'est pas les rois de la stratégie. Je suis trop old school, j'aime pas les films de boules qui racontent rien. Le type est tellement homophobe, il caresse pas son chien. Même quand je connais la réponse, je peux pas m'empêcher de gruger. Ma conscience politique, c'est juste un t-shirt du Che. Avant je croyais que c'était le chanteur de Rage Against the Machine. J'ai l'impression de vivre dans un film où j'ai raté le casting. Vas-y, passe du feu. Astucieux. Non, t'as vu le vieux? On devrait faire un morceau sur deux connards qui racontent de la merde. Y'a plus de monde qui squatte dans le salon qu'au match de Malherbe. Je sais pas si le pire c'est que mes parents apprennent que je rappe ou qu'ils apprennent que je fume. C'est au cas où je suis en galère de thunes. Mais t'es en galère de thunes. Je crois que c'est une pierre de lune. Putain, j'en avais plein et il m'en reste que une. Au 12ème shooter, j'ai perdu les trois quarts de mes sens. J'ai déjà fait passer un suçon pour une tache de naissance. Je lui ai même fait croire que chlamydia c'était le nom d'une fleur. On devrait faire un morceau sans aucun fil conducteur. Quand il lâche l'oseille, ça vient jamais du fond du cœur. Pourquoi je fais croire à mon docteur que je suis non-fumeur? Bah non, c'est Tupac. Bah non, c'est Biggie. Bah bien sûr que c'est le loup. Bah non, c'est le grizzly. J'ai pété mon écran, je me coupe l'oreille quand je décroche. Quelle ville de merde, j'en ai ras-le-bol d'entendre des cloches. Vivement qu'on bouffe dans les rayons histoire de reprendre des forces. C'est quoi ce temps de chiottes? Je suis sûr que c'est moins pire en Écosse. Ah c'est, il fait presque beau hein. Oh, je suis claqué moi, je vais peut-être me prendre une petite semaine de repos. Il a le charisme d'une huître et le physique d'un chanteur de balle. Comme un gardien de but paraplégique qui dégage que dalle. On est quel jour? Bah jeudi. Jeudi? Ouais. Bah comme la dernière fois, y a pas de bus. Merde. Qu'est-ce qu'on fait, on rentre? Deux connards dans un abribus, deux connards dans un abribus. Toujours, deux connards dans un abribus, deux connards dans un abribus. C'est toujours, deux connards dans un abribus, deux connards dans un abribus. Toujours, deux connards dans un abribus, deux connards dans un abribus. C'est quoi, c'est peut-être un signe du destin pour qu'on rentre bosser?